C'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. C'est la techno bleue. 1, 2, 3, c'est parti. C'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. C'est la techno bleue. 1, 2, 3, c'est parti. Oui, c'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. Oui, c'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. C'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. C'est la techno bleue. 1, 2, 3, c'est parti. C'est la techno bleue. Elle te fait taper du pied. C'est la techno bleue. 1, 2, 3, c'est parti. Oui, c'est la techno bleue.